Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Robertval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Robertval et fier commanditaire de la chronique de l'instructeur-chef, Patrice Gagnon. Les Sabres de Robertval ont causé toute une surprise en défaisant les intervenants lors de la quart de finale de la Ligue junior régionale. Question de savoir un peu comment ça s'est passé, si vraiment comment on se sent du côté des Sabres. On parle avec l'instructeur-chef Guillaume Guy. Salut Guillaume! Salut Danny! Guillaume, écoute, là, c'est quand même une grosse surprise qui s'est passée. Ouais, ben, pour certaines personnes, ça peut être une surprise. Pour nous, par exemple, on savait qu'on y croyait. Puis depuis un mois, là, je te dirais qu'on joue quand même du bon hockey. Puis les joueurs sont engagés, puis il arrive des bonnes choses en ce temps-là. OK. Dis-moi, depuis que tu es revenu, depuis que tu as pris la place derrière le banc des Sabres, à Pat Gagnon, as-tu eu beaucoup de travail de psychologie à faire? Ben, comme on s'était parlé, là, peut-être deux mois, là, j'avais dit aux joueurs qu'on effaçait tout ce qui s'était passé auparavant. Okay. Qu'on allait de l'avant, puis que moi, j'étais là pour finir l'année, puis que. On faisait ça pour l'amour du hockey, en gros, là. S'amuser. Le gars avait perdu le fun pas mal de jouer au hockey aussi. Fait que tout est revenu dans l'ordre, puis les gars ont commencé à travailler très fort. Puis comme une nouvelle saison, en fait, là. Fait que ça a quand même très bien terminé, puis en série contre les Adelons, ça a bien été également. C'est sûr que là, c'était une belle occasion pour tout, à quelque part, effacer ce qui s'est passé, là. Les séries, c'est une autre saison. Et voilà, oui, c'est sûr, les séries, ben, dans toutes les catégories, on dit toujours qu'on se prépare en saison régulière pour arriver prêt en série. Mm. C'est un petit peu le mot d'ordre depuis que j'étais en poste, là, que les choses qu'on travaillait, là, quand même que ça sera pas droite tout de suite au début, là, qu'on arrive en fin de saison, puis en série éliminatoire, arriver prêt, puis être sur la tâche, là, comme on dit, là. Non, moi, j'aime mon chapeau aux joueurs, là, qui ont embarqué là-dedans, là, puis que c'est grâce à eux aussi, là, qu'on a réussi à passer à travers une ronde. OK, OK. Dis-moi, si on parlait maintenant de comment tu vois ça contre les Marquis de Jonquière? Ouais, les Marquis, c'est sûr que c'est une machine qui est bien huilée. Ils ont perdu seulement 4 matchs cette saison. Vu comme ça, c'est sûr que la tâche s'annonce énorme. Là, il faut les battre 4 fois dans un 4-7. Là, mais moi, je crois. Quand t'es négligé, c'est toujours un petit peu moins de pression. Ben oui. Je sais qu'il y a quand même plusieurs équipes qui nous respectent quand même depuis notre fin de saison, là, qui nous respectent quand même beaucoup, là. Voient en nous une bonne opposition. Aujourd'hui, à soir, on a une pratique, là, qu'on va travailler fort sur ce système, là, puis on va changer des choses pour être prêt pour affronter une machine de hockey comme les Marquis, là, qui sont dirigés par Bob Desjardins également, là. C'est sûr que c'est une équipe que je pense qu'ils ont gagné les séries 5 ans dans les 7 dernières années. Fait que c'est une équipe avec d'expérience puis qui savent gagner. Puis j'ai bien hâte, ça va être un défi pour moi, c'est sûr, là, d'affronter l'entraîneur de la trame de Bob aussi. Ah oui. J'ai bien hâte que ça commence. On commence ça jeudi soir à Jonquière. Jeudi soir à Jonquière, OK. Le plan de match est respecté, c'est quoi? La force, c'est d'éviter de battre pénalité, j'imagine? Ouais, ça c'est sûr. Éviter les revirements aussi, là, surtout dans notre zone. Là. Mm. Pas mal les deux grosses tâches qu'on va se donner. Je te dévoilerai pas tout, là, parce que des fois. Ouais. le mot se passe. Fait que non, c'est surtout les revirements. Là. C'est là-dessus qu'on a travaillé beaucoup là, dans les derniers mois. Là. On faisait beaucoup de revirements dans notre zone. Les gars n'étaient pas assez stiff, là, comme on peut dire. Mais là, les gars sont sur la tâche. Puis les gars, ils croient. Quand les gars, ils croient, ben, tu peux quand même te rendre assez loin, même causer des surprises. Là, C'est ce qu'on s'attend, fait qu'on va travailler fort, puis il arrivera ce qui arrivera au bout de la ligue. Ben oui, effectivement. Ben, on va se parler la semaine prochaine, si tu permets, Guillaume. Ben, il n'y a pas de problème, là, on joue jeudi à Jonquière. Vendredi, premier match à l'Arena Robert-Val. OK, je me sens tellement que ça va changer un petit peu le climat. Hein. Ça va changer un peu le climat aussi là, de ce qui s'est passé. Là. J'imagine. Ah, c'est sûr qu'à Mastellas, on a été très bien accueillis, mais on n'était pas dans nos affaires. Puis même dans les séries, là, vu que les glaces étaient quasiment difficiles à Mastellas, on a joué nos deux matchs locaux à Métabetchouan. Puis il y avait du monde un peu. Mais c'est ça, quand t'es pas chez vous, c'est ça qui est dur. Là, on va avoir notre chambre, on va avoir nos affaires. C'est sûr que le climat va changer. Puis je m'attends à ce qu'il y ait quand même du monde. Ben oui, et le fait d'avoir gagné aussi une ronde, ça doit aider aussi au moral là, des joueurs, j'imagine. Non, c'est sûr, la confiance est là. Fait que ça va être à nous de mettre tout ce qu'on a en application pour affronter les Marquis, puis on verra ce qui arrivera au bout de la ligne. Si on donne tout ce qu'on a, puis on est capable d'avoir une très très bonne série, ben on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, c'est ça notre objectif qu'on va se donner. OK. Ben on se parle la semaine prochaine. Ben, y a pas de problème, Danny. Voilà l'instructeur-chef des Sabres de Robert-Val, Guillaume Guy.